Sam Radio Cayenne, c'est tous les lundis. Si t'as pas d'ordi, va donc chez tes amis. Tu entendras les infos de lutte sur Nance. Grève, réflexion, manie. Et puis des blagues! Hola, hola, c'est parti, on m'entend. Coucou! Vous êtes sur Radio Cayenne, nous sommes le lundi 12 novembre 2018. Il est 19h11. C'est une performance pas trop mauvaise pour vous dire bonjour quand on donne rendez-vous à 19h. Alors, ce soir, au programme, on va vous diffuser toujours plein de choses, comme d'hab. Alors, on va commencer avec un podcast de LGC, Le Gros Cul, et ça va durer à peu près une vingtaine de minutes, je crois, ou même moins. Et du coup, ça va parler de masturbation. En tout cas, c'est un podcast cool dont on vous avait passé déjà des bouts il y a une ou deux semaines. Ensuite, on va vous faire un petit tour des news sur Nantes aujourd'hui et la semaine dernière, parce qu'il s'est passé, il se passe plein de choses, que ce soit au niveau lutte des exilés, que ce soit les rassemblements en soutien à Bure, les voisins vigilants... ah non, en fait, j'ai mal lu. C'est pas grave. Donc, lutte des exilés, rassemblement de soutien à Bure, personnes sans papier qui dorment dans le hall du CHU et réquisition de salles à Sensive à la fac. On va vous parler de tout ça. Ensuite, près de Bordeaux également, des réquisitions de bâtiments pour des personnes à la rue. Chronique culturelle, lire, regarder, etc. Du coup, aussi un truc sur les voisins vigilants, qui a l'air trop chouette, j'ai trop hâte. Également, l'agenda, un peu plus tard. Des choses sur la place des mecs cisgenres dans les réunions non mixtes féministes. Ouais. Ah, les réunions mixtes. Bah oui, je me disais aussi, c'est pas très logique. Et un petit son extrait d'une vidéo qui s'appelle « 6 manières de faire des bébés sans des personnes hétéros ». Voilà, voilà. Et je suis pas toute seule en fait. Si, vous avez entendu, il y a des gens qui rigolent derrière. Du coup, est-ce que vous avez envie de dire bonjour? Ouais, moi je veux bien dire bonjour et je veux bien dire aussi que Radio Cayenne, c'est une radio que vous pouvez écouter en direct tous les lundis à partir de 19h et que vous pouvez aussi écouter en 24-24 pour nos rediffusions. On passe aussi des podcasts d'autres émissions, de la musique, tout ça. Et tout ça, vous pouvez l'écouter sur radiocayenne.antirep.net. Bah moi du coup je vais juste dire bonjour, salut, je suis vachement content d'être là, et c'est tout. Ouais bah salut les cailloux, à tout de suite. Et on souhaite la bienvenue à Milou, qui est une nouvelle voix que vous avez entendue. Bonjour Milou. Normalement on applaudit après, mais c'est pas grave. Nous sommes chez les faiseurs faiseuses de Radio Anonyme, bonsoir. Du coup on enchaîne avec quoi? Avec un petit peu de musique, puis... Et puis on va passer, après la musique, on va passer des sons qui viennent du SoundCloud LGC Le Gros Cul et qui parlent de masturbation. On avait passé les 5 premiers épisodes quand on a fait notre rentrée le mois dernier. On avait promis qu'on passerait les 5 derniers. Bon, on avait promis qu'on le ferait la semaine suivante. On ne l'a pas fait, mais on va le faire maintenant. Donc un petit peu de musique, LGC Le Gros Cul, et après on revient pour bon, on ne sait pas encore quoi. Thank you. le monde écoute Radio Cayenne. Tout le monde écoute Radio Cayenne. Tout le monde écoute Radio Cayenne. Hey. Bienvenue sur le Gros Cul. Mais ça alors, le Gros Cul, mais qu'est-ce que c'est ? On peut pas dire attention les yeux, alors on va dire attention les oreilles. Le gros cul. C'est bon ça. Le gros cul qui parle de masturbation. Moi je m'appelle Tessa, je suis camerounaise et j'ai 22 ans. Je suis en France depuis 2010, étudiante en master 1, métier de l'enseignement, master MEF. Bonjour, je m'appelle Martin, j'ai 36 ans, je suis gay depuis toujours, on va dire. Donc, Eric, donc 41 ans, célibataire, okay. Voilà, vivant avant sur Nantes, maintenant un petit peu à côté, séparé avec un petit garçon. Oui, bonjour, donc moi je m'appelle Mimosa. Donc je suis née au début des années 50 et je suis maman d'une grande tribu. Parce que quand j'étais toute petite, parfois je partageais ma chambre avec mes frères et mes sœurs et je sais que parfois il m'arrivait de faire ça et plus tard il s'est avéré, enfin j'ai appris que c'était de la masturbation. Donc mes premiers souvenirs par rapport à ça sont assez lointains. Quoi. En tout cas, ce dont je me souviens, c'est que je prenais les catalogues, c'était la Redoute, je crois qu'on avait à l'époque, et je regardais les sous-vêtements masculins, et je me touchais le sexe en regardant les paquets des messieurs dans les sous-vêtements. Et je me rappelle que je faisais l'expérience d'un certain nombre de sensations, et après je me rappelle d'une baignoire aussi, je sais pas pourquoi je faisais des trucs sur la baignoire. Voilà, je pense que c'était vraiment mes débuts à la masturbation. Très jeune, des sensations très agréables dans le sexe en regardant ces catalogues. Première fois, je pense très très jeune, en dessous de 5 ans. J'en ai des souvenirs, quoi. Donc, j'en ai même des souvenirs d'en avoir parlé avec mes parents, ça les a fait rire. Mes souvenirs, c'est des souvenirs de petite enfance, de très petite enfance. J'ai eu une petite enfance avec beaucoup de moments de solitude, des siestes un petit peu trop longues, et par ailleurs une maman très peu qui était très peu dans le contact corporel, qui n'était pas du tout à l'aise avec le contact corporel à cause de son propre vécu, et du coup j'étais en manque de câlins, en manque de relations physiques. Et bon, je pense que tous les petits-enfants, un jour, découvrent plus ou moins leur corps. Mais pour moi, ça a pris une forme de pulsion de compensation, enfin quelque chose qui était relativement envahissant. Le mot masturbation en tant que tel, ça va vous faire sourire, mais j'ai commencé à l'entendre alors que j'étais déjà âgée de 18-19 ans. Je travaillais auprès d'adolescents dans une institution, et en réunion, ce problème a été posé en disant que qu'il fallait être attentif à la masturbation de certains des jeunes. Et j'avoue que là, je comprenais pas de quoi en parler. J'ai quand même, du coup, essayé de voir des collègues et puis de leur dire, mais vous parlez de quoi exactement ? Moi, j'ai pas remarqué quelque chose de particulier, voilà, pour qu'elle mette des mots, pour qu'elle m'explique et les faits dont on parlait et où, quand, quoi et pourquoi c'était gênant. Donc, c'est vraiment là qu'il y a eu des mots de mie sur le fait que ces gestes ne doivent pas se pratiquer en public, etc. Enfin, bon, un certain nombre de choses ont été dites. M'en souviens surtout, c'était ça relève de l'intimité. Or, il y a des jeunes, à cause de leur handicap, ils n'ont pas conscience qu'ils le font devant d'autres, et voilà, c'est à ça qu'il faut veiller. Bon. Mais en même temps, je n'ai pas vraiment fait le lien parce qu'il s'agissait de garçons et moi j'étais une fille. Donc, je n'ai pas encore vraiment fait le lien. Et c'est que, peut-être 2-3 ans après, que lors d'une conversation. j'ai vraiment réalisé que bon bah des façons de faire un peu pulsionnelles que j'avais pouvaient se mettre dans la case masturbation. Dans la mesure où à l'époque c'était des problèmes complètement tabous, je n'avais que des remarques du genre oui, t'as encore fait le manège. Bon, je me disais qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qu'elle a vu. Ben, elle a rien pu voir puisqu'elle vient de rentrer dans la chambre. Je comprenais pas que par exemple je pouvais avoir les joues rouges, que je pouvais être chaude et que ma mère pouvait se rendre compte que je me réveillais pas d'une sieste normale. Et du coup, il y avait une forme de malaise en me disant bah, qu'est-ce que je fais que je ne devrais pas faire, qu'est-ce qui ne va pas, et pas de mots posés. Et il n'y a jamais eu de mots posés. Chez nous, on est assez pudique dans ce domaine-là, on n'en parle pas. Donc, on est 5 filles en tout, j'ai 4 sœurs, donc, mais on n'en parle pas. Chacun a ses petits problèmes intimes, pour garder ses petits problèmes intimes pour lui, donc je n'aurais pas pu en discuter avec mes sœurs. Par contre, je sais que plus jeune, je pense avoir vu ma sœur faire la même chose, ma grande sœur faire une chose identique. Mais effectivement, je ne lui ai pas demandé « qu'est-ce que tu fais là ?» Donc voilà. Quand je faisais mes communions avec d'autres copains, copines de ma génération, si on avait le malheur en dehors devant le curé de parler sexualité, là ça commençait à... fallait pas parler de ça. Voilà, quoi, c'était il y avait vraiment des personnes qui se braquaient complètement dessus. Et avec deux ou trois copains, je me souviens qu'on me disait mais pourquoi ? On comprenait pas du tout, quoi. C'était on voyait bien que bah il y avait l'éducation et l'éducation aussi religieuse qui était très très imprégnée, qui donnait des images fortement négatives là-dessus. Bizarrement. On parlait d'amour de Dieu, d'amour des autres, mais on ne pouvait pas parler d'amour de soi. Entre-temps, j'avais quand même approfondi des choses au niveau religieux, et que du coup, me rendre compte, alors que j'étais jeune adulte, que je posais des actes depuis ma petite enfance, qui, dans la religion que je pratiquais, étaient considérés comme étant mauvais, je ne savais plus trop où j'en étais. Et du coup... La personne à qui j'en parlais m'a demandé « Est-ce que tu as eu un orgasme ?» Ben, je dis « Mais c'est quoi un orgasme ?» Enfin, j'avoue que voilà, c'est le problème de toute cette époque où il n'y avait pas de mots pour dire les choses. Il y avait un ami d'enfance avec qui on fricotait de manière régulière aussi. De l'enfance au début de l'âge adulte en fait. Et on a découvert ensemble les choses de sexualité. Ça me revient. C'était un ami de primaire et ça a commencé par touche pipi pour terminer au début de la sodomie à 12-13 ans puisque je dis les débuts parce qu'il n'y avait pas grand chose, il n'y avait pas grand chose pour mettre dedans à l'époque. Après ado oui normalement quoi. Derrière plus vers les femmes, à essayer de choper des magazines si j'en trouvais, ou des catalogues La Redoute. C'était le grand catalogue de l'époque. Et autrement, après il y a eu la télé aussi. Les premiers films érotiques, même dans les années 80, il y a eu quand même pas mal de films avec des femmes au sein nu, ou même des dénudées. Donc ça joue un petit peu aussi là-dessus, quoi. Donc soit en regardant un film discrètement quand les parents n'étaient pas là, soit en regardant les images en tête et en faisant son affaire, comme on dit après, là où je pouvais discrètement, quoi. Ouais, dans la chambre ou dans les toilettes. Et j'écoutais énormément à l'époque le Doc Eddie Fool sur Fun Radio. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup écouté ça. Mais j'écoutais également, après en grandissant au lycée, Tabata Cash sur Skyrock. Et je me suis énormément intéressé au milieu de la pornographie. Mais au milieu de la pornographie dans l'intérieur. C'est-à-dire qu'au-delà de regarder des films, je lisais les interviews, j'écoutais les choses. À certains âges, ça s'est lié à des films porno. Donc je regardais des films porno et après je le faisais. Et c'est vrai que... Par rapport au fait de regarder les films porno, bah, j'en regarde pas quand j'ai pas. Quand j'ai un partenaire et que tout se passe bien au niveau sexuel et tout, mais il suffit que je passe un petit moment sans avoir une relation sexuelle, bah, j'aurais envie d'aller voir un film porno et j'aurais envie de le faire. Et je me suis rendu compte que peut-être que j'arrive moins à le faire maintenant sans regarder une image pornographique ou un truc dans le genre. Du coup, c'est tout ça qui m'a vraiment donné la précision que bah, c'est vraiment de la masturbation. Quoi. Je ne me cache pas que j'ai sur des sites internet, c'est plus des films, c'est ce qu'ils appellent maintenant des gonzos. C'est des scènes de 5 minutes maximum, avec que du cul, mais vraiment du cul hard ou cru. Et voilà, point barre. Quoi. Il y a même pas, d'érotisme ou d'imaginatif. Ça existe, hein, mais il y en a très peu. Comme il y a plein de moyens qui existent, il y a des endroits et on pourra avoir des relations sexuelles. Du coup, les fois où j'utilise la masturbation, c'est vraiment à mon avis, ce qu'elle doit être et ce qu'elle apporte le mieux. C'est-à-dire, symboliquement, c'est pour moi, la masturbation, c'est se faire l'amour à soi-même. Et donc, c'est un moyen de se donner de l'amour. Et en ce sens-là, comme disent beaucoup de spécialistes, c'est une activité qui est très... qui peut être, pour le psychisme, très, très équilibrante. Parce que c'est une manière d'appréhender son corps avec amour, avec bienveillance, et potentiellement, peut-être, de réparer certaines choses. En tout cas, moi j'y crois. Parce que on a tous, enfin beaucoup, en tout cas, je ne sais pas tout le monde, mais moi, en tout cas, j'ai beaucoup envie de partager, de toucher, d'être touché. Et c'est quelque chose de très humain et de très profond d'être simplement touché avec douceur. Et on n'a pas toujours, on a toujours quelqu'un dans la vie pour le faire. Et se le donner à soi, c'est quelque part ouvrir la porte à l'amour de l'autre. Même en étant en couple, je m'en cachais pas. Mmh. Parce que on a beau être avec quelqu'un, on n'est pas forcément raccord tout le temps. Puis bon, y a aussi la période où madame a sa période féminine, les règles. Donc c'est pas forcément un moment qui peut être agréable pour elle comme pour moi, quoi. Enfin, comme pour l'homme. Et même de toute façon, je trouve que c'est pas parce qu'on est en couple qu'on n'a pas le droit de ne pas se masturber. On n'est pas tout le temps ensemble. Donc si on a envie de le faire, c'est. Après, il faut pas. À mes yeux, il ne faut pas que la masturbation vienne bouffer la vie sexuelle du couple. Parce qu'on peut le faire, mais il ne faut pas que la personne le fasse tout le temps pour dire le soir, j'ai pas envie parce que j'ai trop fait. Donc, pour moi, c'est un acte sexuel normal pour moi. C'est pas. Donc si dans le couple, si ma partenaire veut le faire ou si moi j'ai envie de le faire, on n'est pas tout le temps 24 sur 24 ensemble. Et ça peut aussi créer des envies ou un désir par rapport à l'autre, quoi. Je suis contente d'avoir cette pratique-là parce que de toute façon, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui... Enfin, je trouve que les hommes n'ont pas toujours conscience qu'ils doivent satisfaire leur partenaire. Donc, à partir du moment où tu as un rapport sexuel avec quelqu'un qui n'a pas la conscience que toi aussi, t'en demandes, t'en veux, il faudrait que tu puisses te satisfaire tout seul, quoi. Moi, je pense qu'il a l'obligation de me satisfaire. Si ça dépendait que de moi, il pourrait stopper le sien et attendre que le mien soit déjà fait. Mais ils n'ont pas tous cette conscience et il y en a qui font pas vraiment d'efforts parce qu'ils n'ont pas conscience que. Donc le rapport à la masturbation, il était très présent quand j'étais en couple pour se défouler, pour se décharger parce que quand on est en couple, l'autre n'est pas quand on n'est pas en couple, mais. L'autre n'est pas l'objet, l'autre n'est pas là pour servir nos désirs. Donc, en couple, on n'a pas forcément tout le temps envie en même temps. Donc la masturbation est souvent un bon moyen de rééquilibrage aussi des pulsions. Ce qui m'a mis mal à l'aise, c'est qu'effectivement, pendant un certain temps, j'ai continué à me masturber, mais parce que c'était devenu, je dirais, presque quelque chose de réflexe. Ça datait de tellement loin, et du coup, ça me questionnait. Et du coup, je me disais, ça colle quand même pas. Puis après tout, je fais de mal à personne. Et puis du moment que ça se passe bien dans ma relation de couple, où est le problème? Enfin, et en même temps, je me disais qu'il y avait un problème. Donc ça m'a valu vraiment beaucoup de réflexion. Et là, du coup, d'échanges avec des personnes de confiance. Pas facile à trouver, mais l'une ou l'autre personne avec laquelle j'ai pu aborder la question. Et finalement, j'ai pris de la distance, mais peu à peu et volontairement. Bon, au début, j'ai voulu la prendre un peu brusquement, puis j'ai compris que ce n'était pas possible, parce qu'on ne fait pas table rase d'une histoire personnelle. Et donc, j'ai pris petit à petit du recul, parce que je voulais privilégier la relation à deux sur quelque chose qui était peut-être trop centré sur moi. Je me suis dit que finalement, la masturbation me centrait sur moi-même. Et que quelque part, il n'y avait pas de raison. À partir du moment où j'avais une vie de couple et une vie de famille, ordinaire, avec ses hauts, ses bas, ni idéal, mais ni catastrophique non plus. Ben, j'avais pas de raison de continuer des pratiques solitaires. Et c'est un peu ça que c'est un peu là-dessus que je reste aujourd'hui. Dans mon, ça peut arriver. C'est plus l'expression d'une très grande fatigue ou d'un malaise ponctuel et je suis pas à l'aise avec. Je préfère privilégier ma relation à deux. Je pense que la masturbation, on entend plus parler chez les hommes. Donc, dans tous les cas, dès que ça tombe chez les femmes, peu importe la culture, ça devient... On ne veut pas trop en parler. Donc, c'est vrai que chez nous, au Cameroun, dans mon pays d'origine, c'est vraiment, vraiment plus... on n'en parle vraiment pas, quoi. Limite, même la sexualité, le simple fait d'avoir une sexualité, enfin, j'ai envie de dire normale, mais... Enfin, entre deux personnes, c'est assez... On n'en parle pas non plus, donc à plus forte raison une masturbation. Enfin, donc je sais pas, je pense que là ce serait encore plus compliqué qu'en France. Mais c'est pareil en France, j'ai entendu parler des gars, parce qu'en plus, moi j'étais à table plusieurs fois avec des garçons qui se demandaient. La dernière fois, j'ai mangé à table avec mon copain et son petit frère. Il lui a carrément demandé : tu te masturbes déjà ? Enfin, genre, tu fais déjà ça ? Il a dit oui, je fais d'accord, bon. Je suppose que si c'était des filles, on n'aurait pas parlé de ça à table, quoi. Donc, je pense surtout que ça vient du fait que il y a toujours eu l'histoire d'égalité homme-femme et le fait que les femmes ont mis du temps à entrer dans l'histoire. Enfin, entrer dans l'histoire, elles ont toujours fait partie de l'histoire, mais de trouver leur place. Le fait qu'on a mis du temps à reconnaître la sexualité des femmes, qu'elles ont besoin d'avoir aussi une satisfaction. Par exemple, je pense à certains peuples qui font, par exemple, l'excision. Donc, pour une manière de priver... Enfin, apparemment, c'est pour que la femme reste fidèle à son mari, ce qui signifie que... Dans le rapport sexuel, il n'y a que le mari qui doit trouver satisfaction et pas la femme. Donc tout ça, bon, c'est vrai qu'il y a certaines sociétés qui sont un peu moins évoluées que d'autres, mais on part à peu près de la même base, que la femme et l'homme ne sont pas égaux. Donc on peut pas, on n'a pas eu tous les droits, on n'a pas eu les mêmes droits d'emblée, donc ça évolue, mais peut-être que dans quelques années, on acceptera que les femmes se masturbent aussi. En rouge et noir, c'est Radio Cayenne. Radio Cayenne. En échange d'une trace de douceur, rouge et noir. On est toujours sur Radio Cayenne. Il est 19h35. On est lundi 12 novembre et on vient d'écouter LGC Le Gros Cul. Donc vous pouvez retrouver ça sur SoundCloud. On mettra ça sur notre blog quand on mettra le podcast. On va remettre un petit peu de musique avant de passer à la suite du programme. Si la pluie te mouille, mon amour nouveau, si la pluie te mouille, n'aie pas peur de l'eau. Tu te fais grenouille, mon amour tout beau, et la pluie vadrouille le long de ton dos. Si le vent t'évente, mon amour léger, si le vent t'évente, ce n'est pas un danger. En feuille volante, tu peux te changer, en feuille mouvante, sans te déranger. Si la nuit te cache mon si clair amour, si la nuit te cache, reviendra le jour. Rompons nos attaches, prenons ce détour qui déjà nous lâche dans le petit jour. Et si l'amour passe, mon amour têtu, et si l'amour passe, à cœur, que veux-tu? Lui ferons la chasse, et c'est bien couru. Un amour tenace n'est jamais perdu. Si la pluie te mouille, mon amour nouveau, Si la pluie te mouille, si la pluie te mouille, si la pluie te mouille, ce n'est que de